Vendredi 10 janvier 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, première édition de 2014, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et toujours un plaisir évidemment de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 CKRL et un peu comme l'année dernière, un peu comme l'année précédente, on aime bien commencer la nouvelle année en regardant ce que nous a apporté la précédente. Peut-être que ça nous donne un peu d'attente, un peu d'espoir en route vers 2014. Et donc, comme à chaque année, on porte un regard sur des coups de cœur BD qui ont été publiés au fil de l'année précédente. Et comme à l'habitude, on invite des gens, des collaborateurs réguliers, d'autres collaborateurs qu'on a le plaisir de retrouver à ces émissions spéciales-là pour justement nous partager leur regard sur l'année BD. Alors, il y aura de passage aujourd'hui Jean-Dominique Leduc, qui est chroniqueur BD ou libraire au Journal de Montréal, Nicolas Fréret, qui est chroniqueur BD sur Canoë, notre collaborateur régulier Marco Duchesne, qui est libraire spécialisé en BD chez Pantoute, et on a le plaisir de commencer l'émission avec le chroniqueur BD de l'émission Les Matins Éphémères ici à CKRL, Pierre Blais. Bonjour. Ben, salut Raymond. Bonne année. Ben, merci à toi aussi, puis merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Et t'as eu une bonne année BD, toi, en 2013? Quand même. Je dirais, c'est rare qu'une mauvaise ou une très bonne année. C'est toujours assez égal. On se retrouve toujours avec 7-8 titres qui nous ont marqués, puis une dizaine qui nous ont rendus heureux sans être des BD marquantes, disons. Ça a été une bonne année, simplement. Mais pas de chef-d'œuvre, mais quelques BD marquantes dont je vais souligner la sortie ici aujourd'hui. Et effectivement, fait côté critères, on s'est pas dit justement faut avoir de la BD québécoise, de la BD étrangère, on s'est lancé at large, comme on mais dit je pense en anglais. Que si on parlait d'aucune BD québécoise, ça serait un peu cheap aussi. Oui, mais il y en a eu des bonnes cette année. Ah ben oui, tout à fait. C'est pas par pitié que j'ai des titres de BD québécoises, au contraire, on fait de la très bonne BD au Québec, ou encore des BDistes québécois qui travaillent en Europe, qui sont d'excellents artistes. Ça, on a rien à envier à personne. Et justement, mais puisqu'on parle de BD Québec, Pierre, dans tes titres, t'as mis les deuxièmes de Sviane chez Pow Pow. Pour ceux qui suivent la bande dessinée, c'est un titre que vous avez vu à de nombreuses reprises dans les palmarès de fin d'année. Tout le monde en a dit du bien, donc qui peut dire du mal de cette bande dessinée de Sviane, qui ici n'est pas avec Iris. On les connaissait notamment à cause de Lost Teacher, en doublé. Là, elle est seule, c'est un projet vraiment unique, publié chez Pow Pow. Et dans le cas de Sviane, pour les deuxièmes, elle nous raconte une histoire d'amour. On va retrouver deux amants dans une espèce de penthouse campagnard ou de loft, plutôt loft à la campagne, très très vitré d'ailleurs, très épuré, un peu moderne mais assez bucolique, où les deux vont discuter, vont faire l'amour et tout ça aussi avec des éléments de musique qui viennent agréer le tout. Je m'arrête ici parce qu'on raconte pas grand chose dans cette BD là, mais en somme, pourquoi est-elle marquante et je pense pour à peu près tous les chroniqueurs de bande dessinée, c'est que premièrement, le trait de Sviane, sa façon de dessiner, c'est difficile de résister à ça. Elle a un beau dessin, mais en même temps, c'est pas hyper léché, hyper soigné. C'est pas quelqu'un qui maîtrise son dessin comme certains artistes. C'est pas du Enki Bilal, pourrions-nous dire. Elle ne révolutionne rien. Pourtant, elle fait en sorte, dans ses traits de ses personnages, à ce qu'on s'attache. C'est très épuré, c'est très beau à la fois. Et qu'il y a une ambiance aussi très forte. Et ça, ce type d'ambiance-là, peut-être un peu vide, silencieuse, ça vient un peu dans la lignée aussi d'Apnée qu'elle avait proposé il y a quelques années. Exactement, encore chez que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai l'impression que c'est un peu une suite thématique peut-être à la donc, limite. Donc, une tendance plus personnelle, donc un récit très intimiste avec des scènes de sexe qui ne sont pas, je dirais, choquantes, bien au contraire, mais qui parsèment le récit puis qui sont aguichantes. Et avec tout ça, on se retrouve avec quelque chose, je te dirais, d'une BD pour adultes, mais qui est totalement séduisante. Et si on reste dans le registre adulte, de par les thématiques, dans tes coups de cœur 2013, t'as mis aussi mon ami Damer de Derf Bakderf. Ah oui, mais là, moi, j'aime les histoires sordides. Là, quand tu vois un titre comme Mon ami Damer, écrit par l'Américain Derf Bakderf, que je connaissais pas du tout, je me suis dit, Dahmer, c'est le tueur en série. Donc, je me dis, oh, ça m'intéresse. Une BD, c'est le tueur en série qui semble roman graphique, donc assez longue, et qui va explorer l'un des Américains avec une histoire vraiment pathétique d'un gars qui était pas... C'était pas un méchant pur et dur, c'est pas un Hannibal Lecter, pourrions-nous dire, mais c'est quelqu'un qui était dérangé, donc, Dahmer. Et l'histoire qui est intéressante, c'est qu'on nous raconte pas ces meurtres là-dedans. Une BD de près de 230 pages qui nous raconte en fait que l'auteur de bande dessinée nous rappelle qu'il a été à l'école avec Dahmer. Donc, il va nous rappeler ses années au secondaire, au high school, avec Dahmer, qui plus tard deviendra un tueur à série. Et lui, ce qui l'a motivé, c'est lorsqu'il a appris que Dahmer était un tueur en série, il disait, mais bon Dieu, j'ai été à l'école avec lui. Et comment il s'est rendu là? Ben oui, je me suis jamais douté qu'il deviendrait un tueur en série. Sauf que, on le trouvait tous un peu fêlé par moments. On le trouvait un peu bizarre. Puis il va nous raconter, justement, des petites scènes ici et là avec ses copains, la façon dont il côtoyait Dahmer sans jamais se douter de ce qu'il deviendrait. Et avec un trait qui j'ai l'impression, si on y va par très grossier, là, mais typique un peu de la scène underground américaine, en fait, un peu dans les types de personnages. C'est une qualité, c'est un défaut. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les BDistes américains, ils ont un trait de crayon qui finit souvent par se ressembler. Tous ceux qui travaillent en marge et qu'on a connus ces dernières années ont quelque chose qui les unit dans leur façon de dessiner. C'est la même chose ici, mais sérieusement, c'est une BD qui est à la fois effroyable et aussi un peu touchante quand même. Et dans un registre trait de crayon assez particulier, Pierre Blais, tu nous proposes Le Centre de la Terre de Annie Furmack. La chose spéciale, c'est que tout comme Mon ami Dahmer, Le Centre de la Terre est publié chez une maison d'édition européenne qui fait peu parler d'elle, ça et là. Moi, je lis peu de titres de cette maison d'édition annuellement, puis j'en ai deux dans mon top 5-6 cette année, c'est réellement incroyable. C'est drôle parce que cette BD de Anneli Furmack, qui est une Islandaise, donc on la connaît peu aussi, des espèces de couleurs, on a l'impression qu'elle a dessiné un peu avec du crayon pastel. Hein? C'est particulier. C'est un peu grossier, les personnages ne sont pas très beaux, c'est dessiné justement un peu grossièrement, sans finesse, mais ce qui est intéressant dans Le Centre de la Terre, c'est l'histoire qu'elle nous raconte. Donc, c'est vraiment le scénario qui vient nous chercher, même si on se dit, lorsqu'on a terminé, que, esthétiquement parlant, c'est de quoi d'unique. Est-ce que c'est beau ou laid? Mais on finit par, comme, adhérer à son style. L'histoire, c'est un adolescent qui est en Islande et qui, avec sa mère et son beau-père, son nouveau beau-père, ils vont faire le tour de l'Islande, donc le tour des villes, le tour des volcans. Et au début, il y a des frictions entre lui et son beau-père. Et c'est l'ado typique qui veut écouter de la musique, il veut pas parler, il y a rien à dire, ça l'intéresse pas. Et c'est, je te dirais, la façon dont on va justement mieux connaître ces trois personnages-là. Et il y a un aspect en plus dramatique que je vous raconte pas, mais qui nous surprend dans la bande dessinée. Mais sérieusement, c'est réellement, pour moi, c'est une surprise. Pour ceux qui aiment les histoires familiales de tous âges, les adolescents vont aimer ça, les adultes vont aimer ça, les parents, les enfants, à partir de 12-13 ans, c'est une bonne bande dessinée, Le Centre de la Terre. Et ça donne envie d'aller faire un tour en Islande. Ah, oh, ben, toujours. Pourquoi pas? Et pourquoi pas aller en Inde aussi, Pierre? Georges Bess qui nous offre Incredible India, qui est aussi dans ton top 6. Georges Bess, on l'a connu notamment pour ses collaborations avec Jodorowsky pour la série, entre autres, Le Lama Blanc. Ça se passait du côté du Tibet. Donc, on sait que Bess, dans ses différentes bandes dessinées, et un peu comme Jodorowsky aussi, mais il aime beaucoup les récits initiatiques, la mythologie, l'Asie aussi. Dans Incredible India, on a vraiment quelque chose de très intime. Georges Bess va nous raconter un voyage en Inde. Donc, il se raconte ici. Et c'est un prétexte pour nous raconter aussi certains... Ça la ramène à des souvenirs d'enfance, des souvenirs de jeunesse quand il était sans le sou, lorsqu'il a connu certaines personnes, lorsqu'il a eu un chien. Puis il nous ramène ça par la suite en Inde, où il va rencontrer son double. Et cette histoire-là, Incredible India, est divisée en chapitres où quelquefois on nous raconte des histoires un peu différentes. Et hormis un chapitre qui est réellement plus faible que les autres, on a le droit, je te dirais, à une leçon d'humilité, mais une leçon aussi de philosophie, parce que c'est quelqu'un qui est très zen, Georges Bess. Il veut pas nous donner des leçons, mais il y a une réflexion sur la vie qui est un peu, je te dirais, tu sais, très terre à terre. Par moments, il veut connaître ce qu'il y a de plus grand que nous, puis par moments, il se dit, mais Bon, Dieu, dans le quotidien, je peux pas en faire plus. On n'est pas une divinité en soi, on s'élève pas de terre. Mais il tend vers ça, et avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de sagesse, Incredible India, si vous aimez les BD initiatiques, avec un coup de crayon, moi, que je trouve tout à fait formidable, c'est de George Bess. Et dans le registre BD initiatique, je pense qu'on pourrait placer aussi L'Amérique ou le disparu, l'adaptation de Kafka de Réal Godbout. Oui. En un sens. Réal Godbout, on l'a connu pour Michel Risque, pour Red Ketchup. Godbout n'est plus avec Fournier pour cette bande dessinée-là, donc il fait bande à part. Il a décidé d'adapter Kafka avec L'Amérique ou le disparu, un gros roman graphique encore là, ambitieux, où il revisite l'œuvre de Kafka à travers un personnage principal qui arrive de Prague à New York au début du siècle. Corrige-moi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et là, visuellement, pour moi, c'est un charme. Le côté vintage, les habits, les costumes, les voitures, enfin, les édifices. On sent la recherche, le travail. C'est d'une grande beauté, mais avec le coup de crayon de l'auteur de Michel Risque. Donc, très BD. Et en même temps, beaucoup d'humour et aussi une réflexion sur le fait que quand ça va mal et pas à peu près. Donc, c'est une BD kafkaïenne en ce sens où on frappe un mur, mais régulièrement, avec une panoplie de personnages hauts en couleur, aussi méchants qu'attachants. Ça, c'est la force aussi de Godbout, nous rendre des personnages qui sont des crapules, mais souvent des crapules intéressantes. Donc, pour moi, ça aussi, c'est du côté québécois, c'est réellement un must cette année. Et surtout, considérant que c'est quand même un sacré défi aussi d'adapter un récit kafkaïen en BD, C'est un gros pari. Et c'est réellement une BD divertissante, amusante, qui se lit réellement toute seule. Et malgré son grand nombre de pages, pour moi, c'est une grande réussite de la part de Réal Godbout. Et parallèlement, une BD que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main sur cet album-là, c'est chez Futuropolis, Manuelé Fiard, qui offre L'Entrevue. Ça, c'est peut-être mon coup de cœur de l'année. Ça aussi, c'est une grande bande dessinée. Très belle, un gros format. Et Manuelé Fiard nous avait donné 5000 km par seconde. Moi, qui m'avait touché, je l'avais connu avec ça. Ici, L'Entrevue, ceux qui aiment la science-fiction vont aimer ça, et ceux qui aiment la psychologie. Donc, on a un psychiatre qui est témoin un soir, ben, ça va pas bien dans sa vie de couple, en plus, là, avec Bobonne, là. Je le dis pas péjorativement, mais c'est vraiment la vie de couple plate. Puis un soir, il va être témoin d'un phénomène paranormal, de voir un ovni. Et là, il va avoir une nouvelle patiente, une jeune patiente, qui l'intrigue, qui lui pose plein de questions, qui fait qui le confronte, là, puis qui a toujours une réplique. Et qui va lui dire, à brûle-pourpoint, je sais ce que vous avez vu, moi aussi, je l'ai vu. Et là, on va s'en suivre une histoire, justement, un peu de série B. Autour de phénomènes paranormaux, oui, certes. Puis en même temps, une réflexion sur la psychologie, la vie et l'amour aussi. Donc, c'est sa grande réussite, c'est toucher à ces deux aspects-là dans cette bande dessinée qui s'appelle L'Entrevue, qui est publiée chez Futuropolis, qui est dans la veine un peu de ce qu'on publie généralement chez Futuropolis, c'est-à-dire des histoires très personnelles par des auteurs de BD de grand talent. Et côté graphique, ça ressemble à quoi? Ça soigne quoi côté ambiance? On n'est pas très loin. Ultimement, c'est un peu le travail qu'on a pu faire avec Blast, mais pas aussi sombre. Okay. Blast de Larsenet. Donc, on est dans du noir et blanc. On est quelque chose de quand même d'assez épuré, mais on est loin de la BD traditionnelle comique, je te dirais. C'est dommage, je l'ai pas avec moi. Je l'ai prêté avec un de mes amis. Je te remontrerai à quoi ça ressemble. Mais réellement, je t'incite à mettre la main sur cette bande dessinée-là. Manuelé Fiard, un espagnol, F-I-O-R, L'Entrevue. Alors, les sélections de Pierre Blais, je les rappelle, mon ami Damer de Derf, Bac Derf chez Ça et Là, L'Entrevue de Manuelé Fiard chez Futuropolis, L'Amérique ou le disparu de Réal Godbout, ça c'est à la Pastèque, Le Centre de la Terre d'Annie Furmac chez Ça et Là, Les Deuxièmes de Zvian chez Pow Pow et Incredible India de Georges Bess chez Vent d'Ouest. Pierre Blais, je rappelle aussi, tu fais les chroniques à l'émission du matin, les chroniques BD, on t'entend quel jour, quelle heure? C'est les jeudis matins, mais c'est aux deux semaines, sauf qu'exceptionnellement, étant donné que j'ai un voyage la semaine prochaine. Ça va être reporté vers la fin janvier, début février pour le retour de mes chroniques habituelles. J'ai même du rattrapage. On regarde les palmarès de BD de la fin d'année, là, puis il y en a plusieurs. On se dit, merde, je suis passé à côté. Il y a 4000 BD francophones qui sont publiés à chaque année, puis on se dit, il y en a 4-5 titres qu'on a passé à côté. Je mets la main là-dessus aussi comme projet de début d'année. C'est un peu nos devoirs, dans le fond. Le mois de janvier, c'est le rattrapage de l'année précédente, avant de se lancer vraiment en 2014. Mais Pierre Blais, merci beaucoup. Hey, salut, bye. À la prochaine. Et nous, on part en musique. Petit extrait de Miss Me avec sa pièce Cité d'or. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL. Je vous rappelle également que vous pouvez réécouter les émissions en balado-diffusion via notre site lavieenbd.wordpress.com et vous pouvez également nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et on poursuit donc nos regards sur 2013 en coup de cœur. Et pour les prochaines minutes, on découvrira les coups de cœur 2013 du chroniqueur BD de canoë.ca, Nicolas Fréret. Bonjour. Salut Raymond. Mais bonne année également. Bonne année à toi et à ton émission. Merci. Et Nicolas, on a déjà pu voir un peu, disons, un avant-goût, un aperçu, un survol de tes coups de cœur sur Canoë, justement. On va revenir un peu sur ces titres-là, essayer de voir un peu qu'est-ce qui t'amène aussi à nous les proposer en coup de cœur. Premier album, en fait, nouvelle maison d'édition, dans une certaine mesure, Studio Lunac, qui offre un premier album, L'Abominable Charles Christopher. Et puis, il commence plutôt bien et plutôt en grand. C'est une web série en fait à la base qui est diffusée tous les mercredis si je ne m'abuse, et puis le deuxième tome là en ce moment, la dernière fois que j'ai regardé ça c'était à tous les jours. Ça prend l'histoire du fameux Yeti, l'abominable homme des neiges, qui est confronté là, donc qui est dans une forêt, et ce gros ours là en fait a absolument rien de méchant. C'est juste un animal absolument adorable, qui est plus gentil que n'importe quel autre animal, et puis qui supporte absolument pas qu'on fasse du mal à qui que ce soit, y compris aux arbres. C'est un peu le idée fixe dans Astérix. Et puis à travers ça, l'auteur, j'espère que je vais pas écorcher son nom, c'est Carl Kersh, si je ne m'abuse, qui est un Montréalais anglophone, et qui travaille dans les studios Lunac, si je ne m'abuse également. Donc créer un... C'est des strips tous les jours autour de ce petit personnage-là. Il n'y a pas vraiment d'histoire. On a vraiment des tranches de vie à l'intérieur de cette forêt-là. Et puis, c'est une fable anthropomorphique par définition. Tous les animaux ont une personnalité très humaine, une finesse ou une méchanceté très humaine. Et ça a été mon vrai coup de cœur de la fin d'année. D'autant que j'ai vraiment découvert cette bande dessinée-là. Et quand on se lance en édition, parce qu'il y a quand même eu Retour de Mécanique Générale et d'autres, donc le paysage de l'édition québécoise qui se peuple tranquillement, donc quand on se lance, faut se lancer avec un bon produit, avec un bon premier produit. Ah oh, ouais, puis Gauthier Langevin, c'est quand même de quoi il parle, la bande dessinée, il y est depuis un petit moment, le front froid, etc. Il a suffisamment d'expérience, Gauthier, pour sortir un album bien senti dès le départ. Moi, je le recommande vraiment à tout le monde, cet album-là. C'est vraiment le genre de bande dessinée qu'on a envie d'avoir près de soi. Il y a plein de BD qu'on adore lire, et puis on range dans la bibliothèque, puis on la ressort à l'occasion. Mais celle-ci, elle est belle. C'est le trait de Carl est sublime. Enfin, moi, je suis très, très, très ce genre de dessin-là. Beau, on a l'impression que c'est à la fois... moi, je suis un fan des croquis, et on a l'impression que c'est à la fois du croquis et puis à la fois un dessin super léché, super comme s'il était un virtuose là du dessin. Il fait ça, on a l'impression que c'est facile, voilà. Je sais pas si ça l'est, mais en tout cas, et donc voilà, c'est le genre d'album qu'on peut avoir vraiment près de soi, sur la table du salon, et puis aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps quand on a 5 minutes. Et Nicolas, parmi tes sélections aussi, deux titres qui se retrouvent un peu dans tous les palmarès, ou presque, j'ai l'impression. Mauvais genre de Chloé Cruchaudet chez Delcourt, Killy Lanassang de Benjamin Flao chez Futuropolis, ça semble être deux parmi les titres les plus prisés de l'année. Ouais, c'est des titres majeurs, selon moi en tout cas. Mauvais genre, c'est le prix de la CBD, le prix des critiques et journalistes de bande dessinée francophone. C'est un titre très fort, pareil à la fois sur la narration, sur le sujet, qui est un sujet très sensible et dont on ne parle pas, parce qu'il faut savoir quand même que c'est une histoire vraie. On est pendant la Première Guerre mondiale, et puis ce qu'on appelait les poilus, tous les hommes qui sont allés à la guerre et s'enfermer, s'embourber dans les tranchées... donc le personnage principal est un de ces poilus, il parle à fleur au fusil comme on disait à l'époque, et puis en vérité il est tombé amoureux avant, il s'est marié juste avant, et puis absolument une fois qu'il est dans les tranchées, absolument pas envie de rester là, d'autant qu'il voit ses amis mourir un à un, toutes les images de la guerre, les images d'Épinal de la guerre, la Première Guerre qu'on a bien en tête, je pense. Et donc lui, il prend une décision très difficile, enfin très difficile, ça n'a pas l'air de l'avoir été pour lui, mais en tant que soldat, c'est difficile, et il s'en va. Il quitte, je trouve pas le bon mot, aide-moi Raymond. Il disparaît, il fuit, il... Oui, c'est ça, il déserte. Quand on est militaire. Il déserte, voilà. Voilà, merci. La désertion. Donc il déserte, et puis quand on est un déserteur, on devient un ennemi de l'État, etc., et on devient condamnable à la peine de mort. Donc il se cache, il rejoint sa femme, et puis d'abord il déprime, parce que évidemment quand on a une vingtaine d'années, enfin peut-être même pas 20 ans, et qu'on peut pas sortir, c'est difficile. Et je rappelle qu'en plus c'est la guerre, et donc il décide un jour d'aller chercher je ne sais plus trop quoi à l'épicerie, et pour passer inaperçu il se déguise en femme. Mmh. Et il se prend au jeu et il devient une femme quasiment parfaite, et ce jusqu'à ce que la désertion ne soit plus pénalement sanctionnable. Donc, et ça c'est mauvais genre, c'est-à-dire une dizaine d'années. Et ça c'est mauvais genre pour Killian Alassong de Benjamin Flau, qui est un titre qui t'a assez touché aussi, je pense. Pardon, on passe à Killian Alassong de Benjamin Flau, c'est un titre qui t'a touché aussi beaucoup. Ah ouais, moi c'est mon album. Si j'aurais aimé que ce titre-là soit d'une shot, là, ça aurait été parfait. Mais le diptyque rassemblé, c'est ce que j'écrivais dans ma chronique, c'est la bande dessinée de l'année. Parce que le dessin hyper pictural de Benjamin Flau est splendide. Fait pareil, on alterne avec des planches de toute beauté qui pourraient être des pièces de peinture toutes seules. Et puis on a une narration qui est très intéressante. On a une histoire vraie aussi. Donc ça a été un petit peu arrangé certainement, mais on est donc dans un petit village. De pêcheurs au Kenya, très tranquille, et puis on a les Occidentaux qui arrivent avec des gros projets à la fois pétroliers, donc au large, et puis également de complexes de vacances. Donc ce petit village-là va être, sans que les habitants s'en rendent compte, complètement transformé. Et puis on suit un petit garçon, c'est lui notre fil conducteur, Naïm, qui est un petit bonhomme de 10-11 ans, qui est super malin, qui est super intelligent, qui est super attachant surtout, et puis qui veut voir la vie, il veut pas aller à l'école buissonnière. En plus, c'est l'école coranique. Il comprend pas tout ça. Ça l'intéresse pas. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est rencontrer des gens, comprendre le monde, etc. Et on suit ce petit Naïm à travers son école buissonnière. Et en fait, on apprend. Toute la narration se dessine autour de ça. J'en dis pas plus parce que c'est une BD qui est très riche. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a à la fois des relations humaines. Il y a à la fois de la culture, le choc des cultures entre l'islam, entre l'Afrique et l'Occident. Donc voilà, c'est Benjamin Flau est un passionné par ce territoire-là, et il en a fait une bande dessinée que moi j'estime majeure, là. Vraiment celle qui m'a le plus chamboulé. C'est peut-être pas le meilleur mot, chamboulé, mais celle qui m'a le plus plu cette année en tout cas. Il nous reste à peu près 4 minutes pour passer à travers 4 titres. Ça passe très vite. Peut-être en fait rapidement, parce que Pierre Blais nous en a parlé un peu tout à l'heure. Ça figure aussi dans les coups de cœur de quand même plusieurs personnes. L'Amérique ou le disparu de Réal Godbout chez La Pastèque, Les deuxièmes de Ziane chez Pow Pow. En quelques mots pour l'un et l'autre, qu'est-ce qui t'a amené à choisir de les intégrer dans tes coups de cœur? L'Amérique ou le disparu, c'est pareil. C'est une de mes bandes dessinées préférées. Je l'ai lu vraiment vite. Moi, j'adore ce que fait Réal Godbout. Je sais pas, c'est simple, c'est extrêmement distrayant. Et puis moi, je suis un grand fan de Candide de Voltaire. Et puis il y a de ça là-dedans. Il y a dans le personnage de Karl, au début tout est beau, puis tout s'écroule, puis on a l'impression qu'à chaque page, il peut pas aller plus bas, puis il va encore plus bas. Et il y a la finesse d'esprit de Réal Godbout là-dedans, la capacité à être drôle dans le drame, dans l'absurdité carcaïenne, tout ça. Ça en fait un bouquin génial, super distrayant. Et puis pour les deuxièmes de Ziane, moi j'adore Ziane aussi. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit tantôt, et je trouve ça d'une sensualité assez hallucinante, quoi. On lit ça avec c'est plein de sens. Je suis pas trop d'accord sur le fait que c'est pas maîtrisé. Je trouve que c'est ultra maîtrisé. Je sais pas, cette bande dessinée-là m'a émoustillé. et j'aime beaucoup ce que Sviane fait avec ce qui maintenant, apparemment, avec ses deux passions, sont ses deux passions, à la fois la bande dessinée et la narration, et puis la musique, parce qu'elle montre à quel point tout ça peut s'enchevêtrer merveilleusement. Et l'amour, quand tu mets une scène d'amour en musique, en partition et en bande dessinée, ça en fait une super BD, quoi. Et parallèlement, on passe aussi à un autre titre qui a beaucoup fait jaser chez Futuropolis, Le chien qui louche, le dernier des d'Étienne Davodeau. Alors, j'arrête pas de dire que je suis fan d'eux, mais Davodeau est probablement mon auteur préféré, avec Larsonnet certainement. C'est peut-être pas le meilleur Davodeau, mais c'est un excellent Davodeau, enfin, il n'y a pas de mauvais Davodeau. Le chien qui louche, c'est un exercice pas de style, mais de contrainte. C'est une contrainte. Futuropolis a, dès la nouvelle génération de Futuropolis, il y a quelques années, lancé la collection Louvre. Et chaque année, il y a un auteur, généralement un grand belliiste, et qui doit se rendre au Louvre, qui doit s'inspirer du musée. Voilà, il faut que le Louvre soit dans le truc. Et puis Davodeau a créé une fiction autour de ça. C'est un des gardiens du musée qui est amoureux d'une fille. La fille l'emmène en province, en France, rencontrer la famille. Et puis la famille, en pensant que le gars travaille au Louvre, il lui montre une vieille croûte qu'a dessinée le grand-père ou l'arrière-grand-père. Et puis ils veulent absolument que cette croûte-là se retrouve au musée. Donc l'autre, il est évidemment dans une situation bien, bien inconfortable. Lui, il n'est jamais que gardien de musée. Donc il y a toute cette histoire-là qui est très rigolote. Et puis il y a le dessin de Davodeau qui est hallucinant. Il est capable de dessiner extrêmement simplement pour tout ce qui est la narration, ce qui est toute la force de la narration. Le dessin est assez en retrait. Et puis toute la phase où on est dans le Louvre, en fait, il y a une visite du Louvre quasi subliminale tout au long de l'album. Là, c'est vraiment merveilleux. Les œuvres d'art sont dessinées. On imagine que Davodeau y a passé, c'est une interprétation de ma part, mais il y a passé un temps fou à croquer les œuvres d'art. C'est très beau. C'est pas la meilleure BD, mais moi ça fait partie quand même de mes bandes dessinées préférées. Et évidemment, c'est tes sélections. On mettra le lien vers ta chronique justement sur notre Facebook pour que les gens puissent entendre un peu ton argumentation et pouvoir peut-être discuter aussi avec toi aussi via cet article. Peut-être en 10 secondes, 20 secondes, un dernier titre. En fait, je veux simplement qu'on le mentionne. Ça n'a pas été un titre très médiatisé cette année, Le boxeur de Reinhard Kleist chez Casterman, mais il a quand même été imprimé dans quelques festivals du côté de l'Europe, là. Ouais, c'est-à-dire que c'est une BD qui est sortie au tout début de l'année 2013. C'est un gros titre, ça. Là, pour le coup, c'est lourd. Je sais pas si je vais faire ça en 10 secondes, mais c'est un juif polonais, un petit garçon, en fait, qui se retrouve dans les camps de la mort, en Allemagne. Et puis, en fait, il est plus malin que les autres. Et surtout, c'est un combattant. Il est né combattant, il se bat toute sa vie. C'est lui qui défend ses frères et sœurs, etc. Les Allemands le trouvent attrayant parce qu'il boxe, et donc ils le font boxer contre des morts vivants. Donc ça fait les nazis sont ravis, ils ont leur petit show, et c'est comme ça qu'il s'épargne la mort. En fait, toute sa famille évidemment finit dans la fosse commune, mais pas lui. Donc il sort vivant des camps, il immigre comme beaucoup de juifs polonais aux États-Unis. Et puis là-bas, il devient boxeur professionnel. Il a notamment combattu contre Marciano. L'histoire, et je m'arrête là après, en fait, commence, c'est son fils qui ne comprend pas la violence de ce père, qui n'est pas capable d'expliquer, et un jour, il l'explique. Et donc, c'est l'histoire l'histoire terrible que son père raconte à son fils à travers cette bande dessinée-là. C'est très fort, hein. C'est en noir et blanc en plus. Je rappelle les titres que Nicolas Fréret, tu nous proposes. La Bunale de Charles Christopher de Karl Kerschel, L'Amérique ou le disparu de Réal Godbout à la pastèque, Le boxeur de Reinhard Kleist chez Casterman, Le chien qui louche d'Étienne Davodeau chez Futuropolis, Les deuxièmes de Sviane chez Pawpaw, Mauvais genre de Chloé Cruchaudet chez Delcourt, et enfin Kililana Sang de Benjamin Flao chez Futuropolis. Je rappelle aux gens qu'on peut te lire évidemment sur canoë.ca. À la prochaine! Eh bien, merci beaucoup, Raymond. Merci à toi. Bonne fin d'émission, bye. Merci, bye-bye. Alors voilà donc Nicolas Fréret, chroniqueur BD chez canoë.ca. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 13 janvier 20h, au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre orange. initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises. Les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Centre de Yoga de Québec. 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout juste avant 100 % dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soulfinger. Ça groove à CKRL 89.1. CKRL 89.1, Québec. Alors, on poursuit toujours à CKRL ce marathon de coup de cœur 2013, ici à La Vie en BD. Raymond Poirier toujours au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et ben, tout à l'heure, on va terminer l'émission avec Marco Duchesne, libraire spécialisé en BD chez Pantoute. Mais pour l'instant, on poursuit donc ces coups de cœur avec donc le chroniqueur BD au Libraire et au Journal de Montréal, Jean-Dominique Leduc. Bonjour. Salut Raymond. Bonne année. Eh bien, pareillement, ainsi qu'à tous les auditeurs. Et en fait, est-ce que l'année sera aussi faste de ton côté qu'en matière de publication avec deux livres l'année dernière, donc cette année. En fait, deux livres plus une collaboration au catalogue de l'Expo. Oui, ça fait trois finalement. Oui, ça fait trois. Plusieurs projets en tout cas en branle. En temps et lieu, on en reparlera, mais oui, il y aura des publications en 2014. Et sinon, ben, en fait, on regarde des publications 2013 qui t'ont marqué en tant que lecteur. Commençons peut-être par un titre de Frédéric Peters, le troisième tome de la série Ahama, Le désert des miroirs. Bon, autant comme lecteur d'abord que comme chroniqueur, pour moi, Frédéric Peters, c'est un des, à mon humble avis, c'est un des grands créateurs de sa génération. C'est un auteur qui est très, très habile dans différents genres. C'est-à-dire qu'il va toucher au polar, à l'intimiste autobiographique, à des fables un peu plus absurdes, à du western ou encore à de la science-fiction. Et à chaque fois, il fait mouche. Dans le cas de Ahama, c'est la deuxième fois qu'il fait une incursion dans le domaine de la science-fiction après l'excellente série Lupus aux éditions Atrabile. Et donc, Ahama, ce qui est formidable avec le troisième tome, c'est qu'il met vraiment la table, c'est-à-dire qu'il consolide son univers, il nous permet vraiment d'en savoir un peu plus sur les personnages, parce qu'il faut savoir qu'Ahama, une espèce de fable, comment je pourrais dire, c'est vraiment épique, c'est-à-dire que c'est un univers excessivement dense. Je me souviens, lorsque j'ai lu le premier tome, évidemment, comme lecteur, j'en voulais plus, mais on sentait qu'il mettait vraiment la table pour une longue série. Et donc, le troisième tome nous permet, sans trop en divulguer, nous permet de faire la connaissance d'un personnage clé. Et comme à tous les albums de Frédéric Peters, évidemment, lorsqu'on termine le troisième tome d'Ahama, ben, on veut le quatrième tout de suite. Malheureusement, il faudra attendre au minimum un an. Mais c'est vraiment une excellente série de science-fiction. Et je dirais même, surtout pour ceux qui n'aiment pas le genre de la science-fiction. Parce que souvent, les gens ont certains a priori concernant ce type de littérature-là. Et ce que j'aimerais dire aux auditeurs, ceux qui n'osent pas se hasarder dans cet univers riche, il manque vraiment quelque chose. Ouais. Et si tu parles d'univers riche aussi, on reste dans les tomes multiples. T'as bien apprécié le sixième Julius Corentin à Kefak, le décalage, donc le dernier Marc-Antoine Mathieu, qui après 3 secondes l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, revient à sa série culte de Julius. Et voilà. Évidemment, c'est un très, très, très, très grand créateur. C'est un... Comment je pourrais dire? C'est un athlète de la méta-BD, Marc-Antoine Mathieu. C'est-à-dire que constamment, il repousse les limites de l'exploration du médium. Comme par exemple, ici au Québec, on a Jean-Paul Hyde, qui le fait notamment avec son Jérôme Bigras. Et a-t-on besoin de rappeler que dans le premier album de Julius Corentin avec un fac, il y a un trou dans une case et que Jean-Paul Hyde, lui, a réussi à trouer un album d'un bout à l'autre. Okay, quand même. Là. En fait, c'est un peu dans ce type d'album-là, j'ai l'impression, au niveau narratif, ça devient souvent des tours de force par le fait de jouer justement avec les conventions, avec les appréhensions, avec les attentes. Voilà, c'est-à-dire que Marc-Antoine Mathieu fait vraiment appel à notre côté rationnel, à notre côté à l'intellect plus qu'à l'émotif. Évidemment, c'est un très, très grand illustrateur, mais c'est plus qu'un auteur, c'est un architecte de la bande dessinée. Et j'ai vraiment compris ça lorsque je l'ai rencontré, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, lorsque j'ai couvert le festival d'Angoulême à titre de chroniqueur pour le Journal de Montréal, j'ai eu l'immense privilège de l'interviewer. Mm-hmm. En pleine session de dédicace, j'avais 4 minutes top chrono. Et c'est étonnant de voir à quel point cet homme-là est capable de se concentrer à la fois sur sa besogne de dessin et à la fois est capable, de parler de son œuvre. Et donc, c'était vraiment impressionnant. J'avais l'impression d'être assis face à un homme bicéphale. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans son œuvre. C'est-à-dire que peu importe sur quel album on tombe de Marc-Antoine Mathieu, nous allons nécessairement vivre une expérience littéraire. Et alors qu'on pourrait croire qu'il a redite, à chaque fois il se réinvente et à chaque fois il va toujours un peu plus loin dans son expérimentation. Et donc là, ça nous permet de renouer avec ce personnage-là qui a vraiment lancé sa carrière. On passe à un titre, en fait, traduction d'un album de Mike Mignola chez Delcourt, BPRD. Bon, je lis pas beaucoup de super-héros depuis de nombreuses années, c'est-à-dire j'en ai lu beaucoup pendant mon adolescence. Comme lecteur, je suis très, très, très, très, très occasionnellement attiré vers le super-héros. Ce qui est formidable avec le travail de Mike Mignola et de son univers, donc de Hellboy et de BPRD, c'est qu'il y a véritablement un travail d'éditeur. C'est-à-dire que, avec Mignola, l'éditeur travaille vraiment à consolider cet univers-là qui s'enrichit d'album en album. C'est-à-dire que BPRD, c'est l'histoire d'une équipe d'enquêteurs de paranormal de laquelle faisait partie Hellboy avant de quitter. Et le pari était risqué à l'époque parce que personne ne se doutait que BPRD dépasserait en termes de popularité, celle de Hellboy. Mm-hmm. Et ce qu'on suit, en fait, c'est on suit les péripéties de cette équipe-là qui, au fil du temps, se transforme parce que certains personnages meurent, parce que d'autres vraiment vivent des transformations au niveau de leur aspect de mutant. Et donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme si il y avait un croisement entre H.P. Lovecraft et, comment je pourrais dire, peut-être quelque chose d'un peu plus porté vers la science-fiction comme par exemple Doctor Who. Okay. C'est vraiment un univers très riche, très propre à lui-même. Et c'est-à-dire que lorsqu'on plonge dans un album de BPRD, on n'a pas d'équivalent ailleurs. Et c'est vraiment du bonbon. C'est-à-dire que ça se lit, ça se consume. Ça ne se lit pas, ça se consume vraiment. Alors ça réconcilie avec les super-héros si on s'en éloigne un peu. Et c'est parce qu'on peut faire aussi du super-héros avec intelligence et pertinence. Voilà. Et Jean-Dominique Leduc, petit marathon, petit défi, tiens, parce qu'il nous reste à peu près 3-4 minutes et 3-4 albums, justement, dans tes coups de cœur qu'il nous reste à mentionner. Alors, je te lance le titre de l'album. Tu nous dis juste quelques impressions autour de celui-ci. On commence avec Le chien qui louche d'Étienne Davodeau. Étonnant. Assurément, l'album de cette série dédié au Louvre, à mon humble avis, qui est de loin le plus intéressant et le plus surprenant. Est-ce que c'est assez court, ça? Oui, c'est assez court. Tyler Cross de Fabien Nury et Bruno chez Dargo. Pour moi, c'est un retour à ce que Bruno fait de meilleur, c'est-à-dire un personnage avec une part d'ombre et de le rendre lumineux et de le rendre attachant. Et c'est clair que lorsqu'on termine Tyler Cross, on refuse cette finale-là et on veut immédiatement un autre album. Donc, ça crée des attentes assez majeures. Là. Oui. La Tigre et Prévert de Benjamin Adam, ton titre québécois, en fait, du moins édité au Québec dans ton palmarès, donc chez La Pastèque. Oui, Bon, évidemment, je pourrais nommer une kyrielle d'albums québécois. Je le fais à longueur d'année dans le Journal de Montréal. Donc, évidemment, l'article est Prévert. C'est un peu, ça s'inscrit un peu dans la famille de Jean-Paul Hyde et de Marc-Antoine Mathieu. C'est-à-dire que c'est, il y a en quelque part de la méta-BD là-dedans. Donc, un excellent polar, pour ceux qui aiment le genre, mais complètement réinventé au niveau de la mise en page et du point de vue narratif. Et est-ce que tu as l'impression, justement, parce qu'il est en nomination à Angoulême, qui se compare bien à ce, la production polar qu'on retrouve là-bas, justement par le côté narratif fort que tu... Tout à fait. Reste à voir si... ça dépend toujours du jury. Ouais. Reste à voir si c'est un jury plus conventionnel ou plus hétéroclite ou plus risqué. Mais une chose est sûre, cet album-là n'a pas du tout à être gêné de se retrouver parmi cette kyrielle de grands tomes. Ceci dit, si j'avais un 5 à mettre sur la table, malgré les grandes qualités de l'article et Prévert, j'ai comme l'impression que Tyler Croft risque de le remporter. Mais bon, j'ai juste mis $5 sur la table. La vie est ainsi faite. Et en terminant, dernière sélection, un petit mot sur les différents ouvrages liés au 75e anniversaire de Spirou. Bon, on n'a pas tous les jours 75 ans. Moi, je craignais un peu cet anniversaire-là. J'avais peur qu'on nous serve du réchauffé, mais alors pas du tout. La Galerie des Illustres, donc cette rubrique qu'on retrouve dans le journal Spirou, a fait l'objet d'un extraordinaire livre qui sert un peu de, si on veut, de panorama de la bande dessinée actuelle. On a d'ailleurs Michel Rabagliati et Guy Delisle, ainsi que Marc de la Fontaine, les Québécois, qui paraissent au titre du sommaire. Aussi, ce que j'aime beaucoup, je suis un très, très grand fan de Franquin, et donc la réédition des courts récits de Spirou, ça aussi, c'est, donc le dernier étant La peur au bout du fil, qui est vraiment un extraordinaire album. Donc, je trouve qu'ils en ont vraiment donné pour notre argent. Et aussi, il faut lever le chapeau au couple qui a écrit le premier tome sur l'histoire du magazine Spirou, qui est un livre d'histoire extraordinairement bien rédigé. La recherche est impeccable. C'est assez intimidant quand on lit pareil ouvrage et qu'on a à son tour d'en rédiger un. Alors, chapeau bas aux éditions Dupuis qui ont vraiment fait un super travail. Alors, je rappelle les sélections de Jean-Dominique Leduc, donc Ama, tome 3, Le désert des miroirs de Frédéric Peters, Julius Corentin, Agéfax, tome 6, Le décalage de Marc-Antoine Mathieu, Le chien qui louche d'Étienne Davodeau, BPRD de Mike Mignola, Tyler Cross de Fabien Nury et Bruno, L'Artigue et Prévert de Benjamin Adam et les différents ouvrages du 75e anniversaire de Spirou. Jean-Dominique, je rappelle aux auditeurs, on peut te lire donc dans les libraires, on peut te lire dans le Journal de Montréal et nous, on se dit à la prochaine. À très bientôt et bonne année 2014 à tous les auditeurs et je vous souhaite du fond du cœur de très, très belles lectures. Merci à toi. Merci. Salut bien. Au revoir. On poursuit dernière ligne droite de cette émission consacrée au coup de cœur 2013. Évidemment, on reviendra aussi sur 2013 la semaine prochaine puisque j'aurai le plaisir de proposer mes coups de cœur. Également, Stéphane Gravel qui proposera les siens. Je vous rappelle aussi que vous pouvez découvrir tout ça en partie ou en tout sur les blogs de l'émission, donc lavieenbd.wordpress.com où on rendra disponibles donc les titres des albums qui ont été mentionnés aujourd'hui. Et également, vous pouvez me suivre sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Alors, bonne année. Hey, toi aussi, bonne année à tous les auditeurs aussi. Et satisfait de ton année BD, toi, 2013? Moi, tant qu'il va y avoir de la BD, je serai satisfait de chaque année. Et heureusement, à chaque fois, j'ai toujours des coups de cœur, j'ai toujours des coups de trip, j'ai toujours des... J'ai impressionné par des titres. Tu sais, il faut s'émerveiller, hein? Et Marco, j'ai presque envie de faire le pont entre ce que Jean-Dominique Lezuc disait tout à l'heure et ta sélection, dans la mesure où je te sais aussi grand fan de l'œuvre de Spirou, des albums de Spirou et Fantasio qui se retrouvent sporadiquement, on se rappelle il y a quelques années aussi, dans tes coups de cœur, et dans ce cas-ci, un peu comme lui, ben tu reconnais, tu places dans tes coups de cœur l'ensemble de l'œuvre du 75e. Il y a quelques années, on a fêté les 75 ans de Tintin, et j'ai jamais vu une organisation, une maison d'édition, une organisation aussi poche, aussi mal gérée, un événement qui aurait dû être mondial, qui aurait dû être extraordinaire, qui aurait dû être fantastique. Et tout ce que trouvait à faire Casterman et les éditions Moulinsart, c'est de prendre le Tintin au pays des Soviets et de l'insérer dans la collection intégrale. C'est la pire chose qu'il fallait faire. C'est un peu décevant. Hergé devait se retourner dans sa tombe. C'est la seule affaire qu'il a renié de ce qu'il a fait. Et eux l'ont intégré à l'édit. Écoute, j'étais en beau maudit. Mais avec Spirou, ça t'a réconcilié sur les anniversaires. Quelle organisation! Les éditions Dupuis nous ont donné un anniversaire. Ils nous ont donné un événement. Un événement. Ils ont fêté en grand à ce personnage qui a traversé 75 ans. Qui a traversé et qui est encore aujourd'hui d'actualité. C'est le seul journal, c'est le seul magazine de bande dessinée qui est là encore, qui produit toutes les semaines avec de la prépublication, avec et qui donne la chance à des jeunes auteurs. Écoute, et que dire de 75 ans? Et toute l'année, on a eu le droit à des productions de bijoux, de trésors qu'on n'avait pas vu, qu'on avait peu vu et qu'on a et qu'on voulait voir et qu'on a réussi à voir. Je te mentionne entre autres le Spirou la véritable histoire du journal Spirou qu'ils nous ont sorti de 1937 à 46. Alors là, avec des documents d'époque, l'iconographie était impeccable, les documents d'époque, on revivait les premiers temps du journal Spirou avec les fondateurs et tout. Waouh, une page d'histoire et on en apprenait. Ils nous ont fait la publication intégrale des Spirou faite par Rob Vell, son créateur. Et là, on pouvait voir toute la genèse, mais on pouvait voir aussi toute l'énergie de la naissance de la BD, comme les comics américains. Parce que le trait aussi est assez différent des premiers Spirou de Vell avec les autres. Après, il y a vraiment une progression qui est assez impressionnante. Là. Ouais, mais là, c'était en strip, c'était presque en strip, en demi-page, et on avait toute l'essence même de ces premières publications de bande dessinée au début de l'histoire de la BD, au début du 20e siècle. Ensuite est venu des trucs comme écoute, ils ont paru tous les articles que Franquin a celui qui a le plus fait de Spirou, de ce qu'il est, Franquin, André Franquin, ils ont publié tous les interviews qu'il a donné à des fanzines, à des magazines. Franquin, écoute, les fanzines. Une bible où on parcourt ça et c'est toute l'histoire d'un. C'est toute l'histoire d'un homme, c'est toute l'histoire d'une création. Écoute, c'est fantastique. Et un des bijoux, et ça, bon, tu le sais, à toutes les fois que je viens, je te parle de mon amour de l'âme claire. Hein. Alors, ils ont réédité l'intégrale du Spirou faite par Chaland en noir et blanc, en strip, en version italienne. Donc, quand on parlait d'évolution, ça montre d'autres... J'ai été obligé de me racheter une nouvelle édition, mais j'ai bavé dans la première et était illisible. Et que dire de ce dernier gros bouquin qu'ils ont sorti qui s'appelle La Galerie des Illustres. Pendant des années, ils ont invité à chaque semaine ou deux semaines un auteur de bande dessinée, un dessinateur de tout du monde, de toutes les styles, de tous les genres. Ils ont invité un dessinateur, l'ont interrogé sur la première fois qu'il a lu un Spirou, la bande dessinée, c'était pourquoi pour lui. Une page d'interview avec une page de dessin ou de bande dessinée. Ils ont regroupé les 80 auteurs qu'ils ont interviewés. Ils en ont fait un ouvrage extraordinaire. Extraordinaire. Et on comprend quand on dit 75e anniversaire de Spirou et ses différents ouvrages, mais il y a un paquet d'ouvrages, de beaux ouvrages qui sont là-dedans. On passe à d'autres coups de cœur peut-être, Marco. On revient à des albums. Il y en a un qui s'appelle Punk Rock Jesus de Sean Murphy. Du côté américain, alors, dans mes choix, t'as dû comprendre que j'avais un Québécois, un Américain et l'autre, c'est... Un Européen. Ben oui. Alors, l'Américain, Punk Rock Jesus, Sean Murphy est un jeune dessinateur, ben il doit pas être très jeune, mais c'est un nouveau dessinateur qui a fait sa marque, qui commence à faire sa marque aux États-Unis dans les comics, mais un peu à part. Il a fait avec Alan Moore un truc, une histoire de jeune ado qui est diabétique et qui, dans un coma diabétique, franchit les portes d'un royaume et ça devient une espèce de truc de fantasy à la Alan Moore, évidemment. Et avec son dessin très en couleur, très correct, très standardisé côté américain. Mais là où il se démarque, c'est quand il a fait son premier truc, son premier roman graphique qui s'appelait Off-World. Alors là, déjà, on sentait cette volonté de vouloir nous raconter un truc. Bon, un road trip, ce off-road, dessiner un peu une œuvre de jeunesse, dans le dessin aussi, très conventionnel aussi. Mais il nous est arrivé avec son punk rock Jesus. Et là, ça alors là, l'histoire de ce punk rock Jesus, une chaîne de télé a eu les droits de pouvoir cloner sur le sanctuaire de Turin, de cloner l'ADN de Jésus et de le mettre au monde et de suivre sa vie 24 heures sur 24 à la télé. Et ce Jésus va grandir en vase clos, va être éduqué avec sa mère ex-droguée, ex-prostituée et tout. Et là, ils vont la suivre à la télé. Bon, que va-t-il arriver? Évidemment, Jésus va prendre conscience de tout ça. Il va se rebeller, il va devenir chanteur rock et il va dénoncer la religion et tout. Mais là n'est pas l'histoire de Pancras Jésus. C'est plus l'amorce, c'est l'univers dans lequel ça se trouve. C'est l'histoire du garde du corps qui va grandir avec, qui va le garder, qui va faire, qui va garder sa sécurité tout au long de sa vie. Ce garde du corps, ex-membre de l'IRA, qui lui veut croire que c'est Jésus parce qu'il a besoin d'une rédemption. Waouh! Et tout ça avec un dessin énergique, avec une espèce de volonté de... C'est pas violent, c'est énergie. Ça déborde d'énergie de rébellion. Ça veut crier toute l'essence même de la rébellion contre la société de consommation, contre les médias, contre la religion, l'extrémiste, une œuvre majeure, je te le dis là. Et on passe maintenant dans la zone du thriller, Fabien Nury et Bruno qui nous offrent Tyler Cross. Écoute, s'il y a un album qui a marqué 2013, c'est bien celui de Bruno et Nury. Bruno, pour moi, je suis un fan incontesté depuis les tout débuts, depuis son adaptation de 20 milieux sous les mers, ça s'appelait Nemo, aux éditions très étranges. J'ai suivi ses commandos coloniales chez Dargo, j'ai lu les deux tomes Biotope chez Dargo aussi en science-fiction. Là, il nous arrive avec un polar avec Nury. Alors, c'est un polar noir à la façon de Donald Westlake, de James Ellroy. C'est un polar, c'est un type qui... Tyler Cross doit charrier de la drogue pour des mafieux et tout va virer au cauchemar dans une petite ville du fin fond de Plouqueville. Alors là, il va y avoir les rednecks qui vont débarquer, qui se prend pour des caïds, mais lui, il va faire face à ça. Et évidemment, il y a la vamp, la femme fatale, va venir tout mêler les cartes. Avec le dessin de Bruno, qui a toujours été d'une espèce de sérénité, de tranquillité dans toutes les œuvres que j'ai lues de lui. Ici, ça devient violent, ça devient beau, ça devient... Écoute, c'est vraiment là du... J'oserais dire du Tarantino, mais c'est quand plus... Même, ouais, mais c'est plus à la façon de Sam Peckinpah. Okay. Wild Bunch. Oui, donc brut, en fait. Encore brut. Plus brut, peut-être. Voilà. Moins esthétique. Ouais. À cette façon-là, avec des couleurs primaires, jaune, rouge, bleu, noir. Noir n'est pas une couleur primaire, mais on se comprend. Le côté ombragé de la chose, là. Bref, un album qui a marqué, je pense, 2013. Et Marco Duchesne, on termine ta sélection. On peut prendre un petit 30 secondes simplement pour tes impressions, parce que Pierre Blais, en début d'émission, on a commencé avec cet album-là dans les coups de cœur. C'est dans celui de Pierre Blais, donc les deuxièmes de Ziane. De ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer le nouveau-né de Ziane dans tes coups de cœur là, en 30 secondes? Ben, parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. J'ai jamais vu une bonne femme, un bon homme ou une bonne femme faire de la BD avec autant de naturel. Autant, deux choses caractérisent Ziane: simplicité et assurance. Simplicité dans le dessin, simplicité dans l'histoire. Et une assurance, ce trait, cette façon de raconter. Et cette façon de raconter, elle vient du film d'animation, ça paraît. Il y a des idées absolument géniales dans cet album de Ziane. C'est l'album de 2013, tout confondu, américain, européen, chinois. Alors ben Marco Duchesne, je rappelle tes titres, donc les deuxièmes de Ziane chez Pow Pow, allemand. Punk Rock Jesus de Sean Murphy, Tyler Cross de Fabien Nury et Bruno, et les titres du 75e anniversaire de Spirou. Marco, on se dit à très bientôt. Ben j'espère. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. On se retrouve donc, comme je le disais, la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur autour de l'univers BD. C'est Raymond Poirier au micro, ça a été un plaisir d'être avec vous en ce vendredi.